Est-ce que vous connaissez l'histoire de la dame qui avait un perroquet? C'est pas tout le monde qui peut la comprendre, cette histoire. C'est pour intellectuels. Et alors, c'est une dame qui a un perroquet. Et alors, cette dame qui a un perroquet, elle a une fuite à sa baignoire. Et quand on a une fuite à sa baignoire, à qui qu'on téléphone? On téléphone au... plombier! Et alors le plombier lui dit, écoutez madame, je sais que vous voulez absolument que je vienne cet après-midi pour boucher le trou de votre baignoire, mais moi j'ai beaucoup de travail, je ne peux venir qu'en fin d'après-midi. Oh ben c'est embêtant, je voulais prendre un bain. Ben vous prendrez un bain demain ou en fin de soirée, mais moi tout de suite j'ai pas le temps, je suis plombier, j'ai du travail à l'avance. Oh ben c'est comme ça. Et la dame qui a le perroquet dit, eh ben écoutez, je vous attends en fin de soirée. Et elle raccroche le téléphone. Et elle se dit, puisqu'il vient en fin d'après-midi, j'ai le temps d'aller faire des commissions. Aussi, elle s'en va, elle sort de chez elle, elle ferme la clé, laissant dans son appartement sans perroquet, bravo. Et c'est là où est la subtilité, la finesse de l'histoire. Jean Rostand, on en a parlé très longtemps avec le professeur Delaunay. Et le professeur Marshall, eh bien, ils n'ont pas pu élucider ce mystère. C'est que le plombier, il se dit, mais je suis pas bête, moi. Je dois aller dans son quartier, j'y pensais plus du tout. Je vais y aller directement pour boucher un petit trou à une baignoire, j'en ai pour 2 secondes, elle m'embêtera plus. Je vais y aller directement. Et le plombier, il se pointe, il arrive, bonjour madame la concierge. Madame Mouche à Bœuf, quel étage? Comment? Premier. Au premier, merci. J'avais peur que vous disiez au sixième. Madame Mouche à Bœuf. Et le plombier frappe. Une voix à l'intérieur fait, qui c'est? C'est le plombier. Qui c'est? C'est le plombier. Qui serait? Ça va pas la vieille, non? C'est le plombier. Qui serait? Oh. Ouais. Les jeunes, ils ont raison de dire qu'il y a des croulants dans la vie. C'est plus une croulante, la mémé. Alors, mon pote, t'es pas coté à l'Argus. C'est la tête, c'est la tête. Qui c'est? Oh, hey, ça va, non? C'est le plombier. C'est le plombier. Vous m'avez téléphoné il y a une demi-heure pour boucher le trou de votre peignoir. Qui c'est? Oh. C'est le plombier. Qui c'est? C'est le plombier. Ah, c'est un plombier. Avec du plan. Ah, c'était très simple. C'est un plombier. Qui c'est, plombier? C'est le plombier. C'est le plombier. C'est le plombier. Minutes après, qui c'est? Plombier! Qui c'est? Plombier! Qui c'est qui a dit que j'étais pas plombier? Je suis pas un plombier, moi! Qui c'est qui a dit que j'étais pas plombier? Qui c'est? Plombier! Plombier! C'est ma joie de vivre. Je suis un plombier. Qui c'est un plombier? Une demi-heure après, qui c'est? Plombier. Voilà ma gloire. Qui c'est? ses commissions. Elle revient, Madame Mouche à bouffe. Elle voit un type complètement écroulé sur son paillasson. Elle fait, qui c'est? Et une voix à l'intérieur fait, c'est le plombier.